sur la radio des bons cons, on continue cette émission. Et avant d'essayer de joindre Hugo Soulard, alors je ne sais pas si on l'aura, bien sûr, ce sera la surprise. On verra ça tout à l'heure. Nous sommes en ligne avec un monsieur ou une dame, on verra. Enfin, ça, ça reste secret, qui souhaite rester anonyme. On va l'appeler Hubert. Bonjour Hubert. Bonjour. Alors Hubert, vous souhaitiez témoigner sur notre antenne anonymement. Bah oui, parce que on peut penser que mes agissements en ce moment sont un peu contre éthique. Pourquoi expliquez-moi un petit peu quels sont vos agissements. Bah, on va dire que actuellement je passe mes journées à déambuler dans la rue, à cracher sur les personnes âgées, à aller dans les magasins pour acheter des kilos de pâtes. Et voilà quoi. Qu'est-ce qui vous motive à faire ces actions? Ah bah, je suis juste né comme ça, je suis un énorme connard. Et alors expliquez-nous un petit peu, est-ce que vous pourriez nous raconter une journée de confinement pour vous? Bah, confinement c'est un bien grand mot, hein, parce que déjà, je me réveille et dès 8h je fais la queue devant le Super U pour créer des bouchons, sans déclaration parce que voilà, je la vole aux passants. Et puis après, je me balade, je crache sur les paquets de PQ dans le Super U, tout ça, tout ça. Et vous avez imprimé du coup votre attestation, non? Ah non, jamais, jamais. Je la vole au passant. D'accord, et du coup, vous n'avez jamais eu d'amende, j'imagine? Ah ben non, jamais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie sinon, Hubert? Bah, je m'ennuie, du coup, je suis chez le monde. Mais vous n'avez pas un métier? Ah non, moi je suis à la retraite. D'accord, pardon. Excusez-moi, votre témoignage me bouleverse. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous préciser, vous nous avez parlé de vos achats, du papier toilette, des pâtes, mais comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez à obtenir ces denrées? Bah, alors c'est bien simple, moi ça fait un mois que j'avais senti le coup venir, du coup en fait j'ai loué un appartement juste en face du Super U, et du coup dès qu'ils remplissent les rayons, c'est simple, je les dévalise quoi. Puis après j'attends dans un puiseron et je vole les sacs des gens qui font leurs courses. Et comment vous vous débarrassez du PQ? Ah bah je le jette dans la rue moi, mais ouais, dans les assos. Ça veut dire que les gens peuvent le récupérer dans ce cas? Ah bah non, parce que j'urine et je crache dessus en plus. Donc alors là, je peux vous dire que... Et malgré tout ça, vous n'avez pas attrapé le coronavirus? Ah bah non, jamais. Moi, j'ai pris, il y a 2 mois déjà, 8 litres de gel hydroalcoolique. Et puis, dès qu'il y en a, là, je le rachète. Donc je vole tout, je me fais des bains au gel hydroalcoolique. Voilà, quoi, je suis tranquille. Est-ce que... Alors, on a une question, parce que les audits, vous, je ne sais pas si vous écoutez la radio des bons cons. Si, j'aime beaucoup la musique. D'accord. En fait, en général, on a nos auditeurs nous écoutent et nous posent leurs questions sur Internet, sur un chat. Et donc là, on a des auditeurs qui sont qui ont des questions à vous poser, Hubert. Alors attendez, il y a pas mal de questions, j'essaie de m'y retrouver. Il y a Madame Mona, donc une fidèle auditrice, qui nous demande si vous avez de la barbe. Bah j'en ai, mais c'est pas la mienne. Comment ça, c'est pas la vôtre? Ah bah celle-ci aussi, je l'ai volée. L'autre jour, j'ai vu un vieux qui avait de la barbe, je l'ai volée. D'accord. Est-ce que Louison voudrait connaître votre signe astrologique? Alors moi c'est simple, je suis bâtard ascendant fils de pute. Vous croyez un petit peu à l'astrologie? Oui, oui. Alors attends, il faut que je fasse le calcul. Du coup, je suis un Verseau ascendant Verseau. D'accord, donc vous êtes quelqu'un de sensible en fin de compte. Ah bah oui, je suis sensible à la détresse des gens à qui je vole leur truc. Qu'est-ce que vous pensez de cette crise, le coronavirus, à votre avis? Est-ce que ça vient bien de Wuhan en Chine, ou alors c'est un... Enfin, que pensez-vous de cette crise? D'où ça vient? Alors ça, je suis bien embêté parce que j'aurais aimé pouvoir dire que c'était moi, mais non. Et du coup, j'ai pas d'infos là-dessus. Donc je pense bien que ça vient de Chine. Mais si ça s'est répandu en France, en tout cas, je peux vous dire que c'est Didi. Hubert, alors on a une question d'un auditeur qui s'appelle Loyo, qui vous demande quel est le type de PQ préféré du Corona Bandit. Alors vous avez déjà un petit surnom. Bah, alors, c'est bien simple, moi, plus il y a d'épaisseur, plus ça m'intéresse, et je le remplace par du papier journal, en fait. Et du coup, c'est assez irritant, j'imagine. Ah bah oui. Non, le trick épaisseur, c'est vraiment satisfaisant à rouliner. Alors, on a Michel Cello qui demande, Hubert, que penses-tu de la couleur rouge pour une voiture break? Ah, c'est ignoble. Ignoble. Déjà avoir un break, quelle idée. Et en plus, rouge, quoi. Non, mais ça me dégoûte, ces gens qui font ça. Et vous, quel est votre type de voiture? Là, comme ça, là, j'ai pas trop d'idées. Avant, j'avais un Touran, mais après, il y a eu une offre à l'Argus, du coup, j'ai changé. Puis là, l'autre jour, j'ai embouti ma voiture en fonçant dans des gens qui faisaient la queue au Super U. Donc, vous voyez, les voitures avec moi, c'est pas très important. Mm-hmm. Comment est-ce que vous aimez le vélo? Question de Zouzoute, la Zouzoute. Ah bah oui, le vélo, il y a rien de mieux. Le vélo, c'est une passion. J'adore tout ce qui est pédale, tout ce qui est les cheveux dans le vent. Voilà quoi, le vélo pour moi, ça a toujours été une passion. Et puis c'est surtout qu'on peut plus vite s'arrêter pour aller voler les sacs des gens au Super U. Mm-hmm. Et surtout s'enfuir. Exactement. Alors, une question de Chloé Le Soulier. Le Corona Bandit est-il climato-sceptique? Ah non, alors ça, avec ça, faut pas déconner. Hein. Tout ce qui est maladie, je veux bien, mais alors le climat, c'est sérieux, les gars. Ok? C'est pour ça qu'en plus, les voitures, j'aime pas ça, ça pollue. Alors, merci beaucoup, Hubert, pour votre témoignage qui était très très très intéressant, très enrichissant. Merci à nos auditeurs d'avoir été au taquet toujours sur les questions. Peut-être une dernière question avant de se quitter. Est-ce que vous pourriez me faire une petite description physique de qui vous êtes? Sauf si vous refusez, bien sûr, parce que vous êtes là anonymement, même si j'ai dit votre prénom, qui est un faux prénom. C'est bien simple. Déjà, je suis une femme, je pense que ça s'est entendu. Hubert, en fait, c'est un anagramme pour Martine. Ah, vous dévoilez votre identité. Ah, merde. Bon, ça... Il y a beaucoup de Martine en France. Bon, c'est un anagramme, mais ça dépend des jours, quoi. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et du coup, donc, j'ai dit que j'étais une femme, de corpulence... normal, même s'il n'y a pas de normes dans la corpulence, hein, il ne faut pas juger les gens sur leur corps, je vous le rappelle. J'ai les cheveux bruns, frisés, et j'ai une paire de lunettes en demi-lune. Est-ce que vous êtes célibataire? Petite question, si jamais vous cherchez, c'est l'occasion de faire une annonce. Voilà, j'ai essayé, mais depuis que je pratique le rap de denrées alimentaires, vous comprendrez que... tout ce qui est relation à long terme n'est pas forcément à l'ordre du jour. D'accord. Merci beaucoup Hubert, enfin Martine, comme vous voulez, pour votre témoignage poignant et très très très intéressant, très enrichissant pour les bons cons. Et on vous souhaite un bon courage pour la suite de vos aventures coroniennes. Et vous resterez toujours pour les bons cons le Corona Bandit. Et ben, je suis fier de ce petit surnom. Et mon prochain objectif, c'est de passer à la télé. Voilà. Merci beaucoup, Hubert, Martine. Merci à vous et puis bon courage avec cette merveilleuse radio. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.